Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Yuri Garfinkel. Hello. Salut Yuri, comment tu vas ? Ça va, super. Et toi ? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci à toi. Plaisir partagé. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Oui, oui. Alors, celle qui me frappe le plus et qui m'a marqué le plus, je pense, c'est parce qu'il y a un truc un peu derrière, il y a un peu un truc un peu… Enfin, je ne vais pas vendre la mèche avant d'avoir raconté l'histoire, mais on était dans une soirée… en dehors de Bruxelles, donc pas à côté de chez moi, mais assez loin. Genre, je crois que j'ai mis 1h30 pour arriver là-bas, c'est à Couvrin ou un truc comme ça. Donc déjà, tu vas là-bas, on arrive dans un truc, voilà, tu sens déjà que la soirée, ça va être difficile. Et en fait, il y a, bon, j'étais dernier, et il y a un humoriste qui passe, puis un deuxième humoriste, et il y a un gars qui est là et qui commence à être de plus en plus saoul. Et qui commence un peu à interrompre les humoristes. Et ça met vraiment la soirée mal, parce qu'en gros… Tu comprends que c'est le gars qui est connu du tu sais, c'est un petit truc, hein, c'est dans une ville à Couvrin, dans un petit bar un peu connu, enfin dans un petit club un peu connu, mais donc tu sens que le mec c'est un habitué, que oui. En même temps en gros, le patron prendra pas le risque de le virer, quoi. Oh, c'est ça, exactement. Ça doit sûrement être le père d'un jeune qui dans sa jeunesse devait être un chouette gaillard et qui malheureusement la vie a fait que, et le mec est tombé dans l'alcool et tout. Tu vois un peu le sens tout le vécu, quoi. Et en gros le mec met quand même pas mal les humoristes en difficulté, parce qu'il interrompt bref. Et alors à un moment donné, simplement c'est mon passage, j'arrive en dernier, et là je sais pas ce qui se passe, la soirée marchait, il y avait quand même des rires, et je sais pas ce qui passe, le mec là il était dans le fond et il gueulait de temps en temps un truc, mais là il est arrivé mais devant moi, et il me coupe, mais vraiment en mode je suis là, ouais, mais en fait c'est pas un truc interactif, donc s'il y a moyen que tu restes à ta place, c'est cool. Au moins si tu veux m'interrompre, dis des mots intelligibles, dis quelque chose d'intéressant, ouais. Au moins, tu vois, voilà, c'est ça. Et donc j'ai fait pas mal de spectacles de rue à une époque, quand je faisais beaucoup de breakdance à Bruxelles, on faisait beaucoup de spectacles de rue, et souvent, presque quasi tout le temps, on avait des sans-abri qui venaient pendant en plein show, quoi. Mais en plein show de breakdance, on avait des combinaisons, c'est-à-dire moi j'étais un peu le voltigeur parce que j'étais le plus petit gabarit, le plus léger, donc je montais sur le dos d'un gars, je faisais un salto, l'autre me rattrapait, il me faisait sauter, je faisais une figure en l'air, mais c'était un truc genre… Si tu venais à ce moment-là, ben ça pouvait être dangereux et pour nous et pour le gars qui venait, quoi. Et on avait aussi des chorégraphies, mais des trucs bien bien construits, donc c'était sur la musique à ce moment-là, et il y avait toujours un sans-abri qui venait souvent un peu saoul aussi, en mode machin, et en fait c'était les gens étaient assez étaient très vite nerveux, et ça c'était très vite tendu, parce que les gens qui nous regardaient, les spectateurs, donc les passants dans la rue qui s'arrêtaient pour regarder le show pendant 10-15 minutes, étaient là, ouais, faites-le sortir, allez, casse-toi, machin. Et donc, nous, ce qu'on avait trouvé comme technique à ce moment-là, c'était de le faire participer au spectacle. Et alors, tout le monde trouvait ça génial, en disant, un peu comme on t'apprend en humour à utiliser une faiblesse, à utiliser l'accident pour mettre au service du sketch. Bien sûr. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant le sketch. Je lui ai dit, bon, écoute, je vois bien que tu veux t'exprimer. Tu sais quoi, monte sur scène et raconte une blague alors. Et donc, je l'ai fait monter sur scène, ce gars, qui a raconté une blague qui n'est pas du tout, mais du tout passé un truc un peu raciste. Enfin, c'était vraiment… Mais de toute façon, le mec, on va dire, tu ne t'attendais pas à un truc de malade non plus, quoi. Et dans l'état où il était, c'était déjà pas mal s'il arrive à articuler, il faut dire la vérité. Mais alors, tu sais, Yuri, je dis bravo, parce que du coup, là, le mec, quand il monte sur scène et qu'il balance sa blague qui ne marche pas, du coup, il va repartir dans la salle avec le regard baissé, tu vois, la tête basse, et vraiment, les gens vont pas le laisser redéranger le spectacle, tu vois. Donc, vous avez très bien joué, mais… On va dire, voilà, c'est, comment dire, c'était quitte ou double, quoi. Parce que malheureusement, il y a des fois des gens qui ont vu ce qu'on appelle des hecklers, tu vois, des gars qui vont déranger le spectacle et tout. Ils vont leur dire, bah vas-y, monte sur scène, si t'es si malin que ça, monte sur scène. Et malheureusement, ils tombent sur des fortes têtes. Ouais, bien sûr. Et il y a des potes à eux, et ils font un bel truc, et tout le monde fait, ouais. Non, mais là, c'est pire. Non seulement le gars, il se prend un bide, il descend, il sort de scène, mais il est parti, il est sorti de la salle. Il est parti, il n'a pas été se rasseoir, il s'est barré. Oh, c'est dommage, il n'est pas revenu sur scène pour le salut final. Non, justement. Et c'était ça qui était vraiment. C'était ça à la fois qui est fou. Et je ne sais pas si tu connais, c'est un proverbe indien qui dit voilà, si le diable rentre dans ta tente, laisse-le parler. Et à force de parler, il va tellement s'épuiser qu'il repartira de lui-même. Ah, et d'accord, je ne connaissais pas. Oui, c'est un proverbe indien que j'ai, enfin bref, dans un livre, je crois, de Paulo Coelho, où le guerrier de la lumière, je pense, je crois que c'est ce livre-là, le guerrier de la lumière, où il dit, voilà, si le diable rentre dans ta tente, laisse-le parler. Et ce podcast a pris une tournure beaucoup plus haute que mon QI, tu vois, c'est chaud, là. Mais belle citation, et donc, en gros, c'est ce que tu as fait, tu as laissé ce mec-là qui vous dérangeait, tu l'as laissé s'exprimer, et il s'est lassé tout seul. Exactement, et c'est exactement ce qui se passait avec les sans-abri pendant qu'ils interrompaient les spectacles de break. En fait, on le prenait avec, et le mec arrivait, on disait « bon, allez, vas-y ». On l'appelait genre « vas-y Philippe, allez, fais-nous un freestyle ». Et le mec faisait un, deux, trois mouvements, et il partait aussi. C'est vraiment utiliser l'accident pour le mettre au service du propos artistique ou de ton business, quoi, si je puis dire. Et ouais. Ça marchait parce que les gars faisaient leur truc, et puis ils partaient, et le public trouvait ça. Limite, ça faisait presque préparé, quoi, tu vois, alors que pas du tout. En fait, la technique que tu as utilisée et qui est très, très bonne, c'est que tu as détourné son objectif, en fait. Parce que son objectif, à la base, quand il y avait une performance artistique sur scène, lui, il voulait juste déranger, dire « Hey, je suis là ». Sauf que toi, tu lui as dit « Ok, à partir de maintenant, ton but, c'est pas de déranger la performance artistique, c'est d'en offrir une ». Et donc, là, le mec, il se dit, ben non, en fait, tu vois, donc, il a essayé quand même, parce que l'alcool est dans, j'imagine, mais il s'est très vite rendu compte que c'est un métier. C'est ça, c'est exactement ça. Je crois que c'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs, j'ai fait, ah, c'est dur de faire des blagues, hein, c'est un métier, hein, bon, allez, merci. Mais ça, c'était une chouette anecdote. Il n'y a pas eu de soucis, ça n'a pas eu trop de répercussions. C'était dommage que ça arrivait, parce que j'étais le dernier, donc du coup, ça avait mis mal tous les autres. Mais et c'est vraiment en faisant des spectacles de rue à Bruxelles qu'on avait cette habitude là d'utiliser les gens qui venaient nous interrompre, et donc je me suis dit, tu sais quoi, fais la même chose, quoi. C'est ça. Non, mais malheureusement, il peut, ouais, voilà, si jamais le mec monte sur scène et que ça se passe bien, ça se peut que il veuille pas descendre. Moi, j'ai déjà entendu bah, d'ailleurs, une anecdote qui était dans le podcast. Il y avait un mec bourré, c'était une anecdote de Emma de Foucault. Donc elle racontait qu'elle avait joué dans une station en montagne, tu sais, donc déjà pas le super plan, hein, c'est sûr, c'est pas le meilleur public, on va dire, quand c'est pas des gens qui sont venus pour voir de l'humour. Là, c'est des gens qui étaient venus pour bouffer, hein, tout simplement, et elle racontait qu'il y avait un mec bourré, machin, qui arrêtait pas de l'embêter, et elle l'a fait monter sur scène, elle a voulu tenter, et j'avoue que moi aussi j'aurais tenté, et le problème, c'est que le mec voulait plus descendre de scène, quoi. Ah ouais, tu vois, il a monopolisé un petit peu le truc, donc c'est vraiment le risque. Mais là, tu t'en es bien sorti, ça reste une belle anecdote, bien drôle, et c'est l'avantage d'avoir eu cette formation dans la rue, parce que je pense, jouer dans la rue, c'est un des trucs les plus durs. C'est comme quand tu es dans la rue et que tu dois distribuer des tracts ou que tu dois alpaguer des gens pour qu'ils t'achètent quelque chose. C'est très, très, très compliqué. Donc, tu vois, c'est un peu comme quand tu croises les mecs de Médecins du Monde et tout machin, les trucs Médecins sans frontières, tout ça qui t'alpague dans la rue. Le problème, c'est qu'il faut attirer l'attention des gens et puis il faut la conserver. Et donc, déjà, c'est dur. Ce qui fait que là, moi, je pense que vous avez joué vraiment en mode tout terrain, quoi. C'est-à-dire que là, après être passé par la rue et après avoir maîtrisé cet art, je pense que la scène en elle-même, elle te fait beaucoup moins peur. Oui, tout à fait, absolument. D'ailleurs, il y a eu des trucs beaucoup plus. Parce que ça, le mec qui est bourré, tu le vois tout de suite venir, quoi. Il y a des trucs parfois beaucoup plus insidieux où c'est juste des gens qui rigolent et qui prennent un petit peu trop de place par leur rire et qui veulent en fait, qui veulent limite attirer l'attention sur eux. Et ça, au début de commencer un spectacle, tu t'attends pas à ce que quelqu'un qui rigole trop peut aussi te mettre en difficulté. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Ça dépend en fait de l'intention de la personne. Si c'est un rire naturel qui fait rire les gens autour de cette personne, c'est pas grave, on en a tous eu des personnes comme ça qui riaient vraiment généreusement. Mais si la personne, elle se dit « je vais rire plus fort », genre elle en rajoute pour déranger le spectacle, là par contre c'est pas cool. Non, tout à fait. Non, et je veux dire, il y a eu des trucs beaucoup plus, des choses où par contre ça m'a mis… Enfin, c'est un peu spécial parce que ça c'était vraiment difficile et… On a su retourner le truc à son avantage. Et puis, il y a eu des choses beaucoup moins difficiles ou par contre, impossible de retourner, tu vois, impossible de retourner l'accident en sa faveur. Et tu ressors de scène, un peu la queue entre les jambes, un peu dépité, en disant, mais enfin, il suffisait juste que je rebondisse un peu comme ça, et tu penses ça 3 jours après, évidemment. Tu te dis, mais mince, ça, et ça va, ça, si j'avais dit ça, ça aurait été drôle, et ouais. Évidemment, ça arrive plus tard. Mais bon, comme tu dis, c'est pas pour ça qu'évidemment, je me souviens, je jouais pas depuis hyper longtemps, en plus, à ce moment-là, donc j'ai eu des trucs après qui m'ont beaucoup plus mis en difficulté et qui avaient l'air beaucoup moins difficiles de base, quoi. Des fois, même un petit dérangement dans la soirée peut vraiment ruiner le spectacle. Hein, donc, c'est pas grave. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Partout, si on tape mon nom et mon prénom, donc Yuri Garfinkel, sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.